Bribe. Cinquième reprise. Et un jour où Dieu se sentait de très mauvaise humeur, il a fait une énorme bêtise. Une porte qui claque. C'est sur cette vision-là que s'amorce le souvenir. Il repasse la scène en boucle plusieurs fois, revoit ce claquement de porte encore et encore, dans l'espoir de mettre au jour le détail qui déclenchera une nouvelle dynamique de mémoire. Qui claque cette porte? Est-ce lui? Non, lui, il assiste au claquement de porte. C'est donc quelqu'un d'autre. Bon. La porte claque avec violence. De la colère? Oui. Le souvenir se précise, Dieu est en colère. C'est lui qui claque la porte. Qu'est-ce qui a mis Dieu en colère? Il ne se rappelle pas. Bon. Procédez avec méthode. Une question après l'autre. Dieu claque-t-il la porte en arrivant ou en partant? Cette fois, la réponse s'impose d'elle-même, en partant. Oui, ça lui revient à présent. Le jour de la porte claquée a été un jour de séparation. La vie n'a plus jamais été la même après. Bon. Où est parti Dieu? Est-il allé dehors ou est-il entré ailleurs? Cela, impossible de se le rappeler. Pourtant, il sent que c'est essentiel. Il doit absolument savoir ce qui se trouve de l'autre côté de la porte. Bon. Aborder le souvenir sous un autre angle. Lui, Odin, où se trouve-t-il à cet instant précis? Là encore, la réponse surgit avec évidence dans la maison. À peine cette pensée se forme-t-elle dans son esprit qu'il parvient à y associer des images, des éclats de verre sur le sol, des miroirs brisés, des fenêtres éventrées. Les cuillères ont toutes été jetées, même l'eau a été coupée. Pourquoi? Que s'est-il passé? Il doit ouvrir la porte. Il va ouvrir la porte. Il ouvre la porte. Le vide. De l'autre côté de la porte, là où est parti Dieu, ce n'est que du ciel à perte de vue. Un ciel sans terre, un monde déchiré. Le souvenir s'achève ici. Nota bene. Celle tes charmes. Qui a prononcé ces paroles? Et que signifie-t-elle?